Un caprice. Comédie en un acte d'Alfred de Musset. La scène se passe dans la chambre à coucher de Mathilde. Au début de l'action, Mathilde est seule, travaillant à sa broderie. Encore un point, et j'ai fini. Est-on venu de chez Janisset ? Non, madame, pas encore. C'est insupportable qu'on y retourne, dépêchez-vous. J'aurais dû prendre les premiers glands venus. Il est 8 heures, il est à sa toilette. Alors, je suis sûre qu'il va venir ici avant que tout soit prêt. Ce sera encore un jour de retard. Faire une bourse en cachette à son mari. La passerait aux yeux de bien des gens pour un peu plus que romanesque. Après un an de mariage. Qu'est-ce que Madame de Léry, par exemple, en dirait si elle le savait? Et lui-même, qu'en pensera-t-il? Bon, il rira peut-être du mystère, mais il ne rira pas du cadeau. Pourquoi ce mystère, en effet? Je ne sais. Il me semble que je n'aurais pas travaillé de si bon cœur devant lui. Cela aurait eu l'air de lui dire « Voyez comme je pense à vous ». Cela ressemblerait à un reproche. Tandis qu'en lui montrant mon petit travail fini, ce sera lui qui se dira que j'ai pensé à lui. On apporte cela, madame, de chez le bijoutier. Enfin ! Quand monsieur de Chavigny viendra, prévenez-moi. Nous allons dans ma chère petite bourse vous faire votre dernière toilette. Voyons si vous serez coquette avec ces glands-là. Ah, pas mal. Comment serez-vous reçu maintenant? Direz-vous tout le plaisir qu'on a eu à vous faire? Tout le soin qu'on a pris de votre petite personne? On ne s'attend pas à vous, mademoiselle. On a voulu vous montrer que dans tous vos atours, aurez-vous un baiser pour votre peine? Pauvre petite, tu ne vaux pas grand-chose. On ne te vendrait pas 2 louis. Comment se fait-il qu'il me semble triste de me séparer de toi? N'as-tu pas été commencé pour être fini le plus vite possible? Ah, tu as été commencé plus gaiement que je ne t'achève. Il n'y a pourtant que 15 jours de cela. Que 15 jours, est-ce possible? Non, pas davantage. Et que de choses en 15 jours. Arrivons-nous trop tard, petit? Pourquoi de telles idées? On vient, je crois. C'est lui, il m'aime encore. Voilà monsieur le comte, madame. Mon Dieu, je n'ai mis qu'un gland et j'ai oublié l'autre. Sotte que je suis, je ne pourrais pas encore la lui donner aujourd'hui. Qu'il attende un instant, une minute, au salon. Vite, avant qu'il entre. Le voilà, madame. Oh. Bonsoir, ma chère. Est-ce que je vous dérange? Moi, Henri, quelle question! Vous avez l'air troublé, préoccupé. J'oublie toujours quand j'entre chez vous que je suis votre mari et je pousse la porte trop vite. Il y a là un peu de méchanceté. Mais comme il y a aussi un peu d'amour, je ne vous en embrasserai pas moins. Qu'est-ce que vous croyez donc être, monsieur, quand vous oubliez que vous êtes mon mari? Ton amant, ma belle. Est-ce que je me trompe? Amant et ami, tu ne te trompes pas. J'ai envie de lui donner la bourse comme elle est. Quelle robe as-tu donc? Tu ne sors pas? Non, je voulais... J'espérais que peut-être... Vous espériez? Qu'est-ce que c'est donc? Tu vas au bal? Tu es super. Pas trop. Je ne sais si c'est ma faute ou celle du tailleur, mais je n'ai plus ma tournure du régiment. Inconstant. Vous ne pensez pas à moi en vous mirant dans cette glace. Bah! À qui donc? Est-ce que je vais au bal pour danser? Je vous jure bien que c'est une corvée et que je m'y traîne, sans savoir pourquoi. Eh bien, restez, je vous en supplie. Nous serons seuls et je vous dirai que... Il me semble que ta pendule avance, il ne peut être si tard. On ne va pas au bal à cette heure-ci, quoi que puisse dire la pendule. Nous sortons de table il y a un instant. J'ai dit d'atteler, j'ai une visite à faire. Ah, c'est différent, je ne savais pas. J'avais cru... Eh bien... J'avais supposé, d'après ce que tu disais, que... Mais la pendule va bien. Il n'est que 8 heures, encore de moins un petit moment. J'ai une petite surprise à vous faire. Vous savez, ma chère, que je vous laisse libre et que vous sortez quand il vous plaît. Vous trouverez juste que ce soit réciproque. Quelle surprise me destinez-vous? Rien, je n'ai pas dit ce mot-là, je crois. Je me trompe donc, j'avais cru l'entendre. Avez-vous là ces valses de Strauss? Prêtez-les-moi si vous n'en faites rien. Et voilà. Les voulez-vous maintenant? Mais oui, si cela ne vous gêne pas. On me les a demandés pour un jour ou deux. Je ne vous en priverai pas longtemps. Est-ce pour Madame de Blainville? Plaît-il? Ne parlez-vous pas de Madame de Blainville? Moi, non, je n'ai pas parlé d'elle. Pour cette fois, j'ai bien entendu. Qu'est-ce que vous dites de Madame de Blainville? Je pensais que mes valses, c'était pour elle. Et pourquoi pensiez-vous cela? Mais parce...